Livre deuxième. De la nécessité de la petite vérole. Les anciens avaient observé déjà, dans la vie humaine, un certain nombre de phases. La transition d'une de ces périodes à l'autre est toujours marquée par une crise plus ou moins violente, alors il se produit des changements singuliers dans l'économie animale. Ces époques sont, selon les anciens, des temps de combat où la nature efface, pour ainsi dire, les premières impressions, et leur substitue d'autres caractères devenus nécessaires à l'accomplissement de ses desseins ultérieurs. Ce combat ne peut avoir lieu, sans que le corps en éprouve de vives secousses, sans que toutes les fonctions n'en soient momentanément altérées d'une façon notable. Or, de ces transitions, de ces crises, de ces luttes, la plus grave, mais aussi la plus indispensable et la plus salutaire, est la petite vérole. En effet, quoi que puissent dire les vaccinateurs pour exagérer la crainte qu'inspire cette crise, quoi qu'ils puissent avancer pour faire croire à un accident purement pathologique, il suffit de suivre dans leurs détails les caractères et la marge de la variole pour reconnaître de la façon la plus claire qu'il s'agit simplement d'une tâche inévitable que la nature s'impose et que tout ce grand mouvement a un but unique. Précis, l'expulsion de toutes ces matières qui, si elles étaient maintenues dans l'organisme, deviendraient plus tard le principe des plus terribles maladies qui affligent l'espèce humaine. De toute évidence, la petite vérole n'est pas un accident, on en a fait un mal effrayant, parce qu'on en ignorait le but. Or, tout dans la nature a une raison d'être, la question est là, et cette raison d'être, une fois admise, il n'est plus permis de voir dans le développement de la variole une maladie, mais un grand travail presque physiologique. En effet, considérez, le scalpel en main, les caractères anatomiques de la pustule, là, on ne trouve pas, nous parlons au point de vue médical, les apparences d'un mal, mais plutôt les signes d'une floraison. Ce n'est point l'abcès, la tumeur dans sa simplicité, c'est une sorte de germe qui en se développant présente à l'examen des détails merveilleux. Considérez la pustule, lorsqu'elle a atteint son développement, elle est de forme lenticulaire, recouverte d'une pellicule mince et transparente, elle est déprimée au centre, on dirait qu'à l'intérieur un petit pédicule exerce sur le point central une sorte de traction, qui fait ressortir la circonférence en forme de bourrelet. Quant à la substance interne, elle est d'un blanc bleuâtre, semblable au caséum du lait, consistante, et présente la plupart des caractères d'un tubercule en partie dégénéré. Elle est divisée en une foule de petites cellules, qui s'étendent du centre à la circonférence, ces cellules renferment et constituent la matière variolique, elles ne communiquent point entre elles, de sorte qu'en perçant la pustule, même quand elle est arrivée à son parfait développement, on ne peut jamais faire sortir la totalité du pus qu'elle contient. On dirait qu'elle est composée de deux matières, l'une tuberculeuse, qui est venue se solidifier et organiser les cloisons intérieures de la pustule, l'autre purement lymphatique. Du reste, pour se faire une idée exacte de la pustule au point de vue de la forme, de la constitution intérieure et même de la consistance, on ne saurait mieux la comparer qu'à un demi-grain de raisin qu'on aurait coupé transversalement et sur la peau duquel on pratiquerait des piqûres. À chaque piqûre, il sortira bien un peu de jus du raisin, mais les petites cloisons présentant une résistance multiple ne permettront pas de vider d'un seul coup la totalité du grain, il en est de même pour la pustule variolique. On le voit, et nous le disions tout à l'heure, la pustule, loin de présenter les tristes apparences des tumeurs purulentes, les symptômes d'un mal pestilentiel, offre au contraire les caractères les plus tranchés, les plus caractéristiques d'un travail organique. Monsieur Gendrin, qui a fait des recherches anatomiques sur la pustule variolique, a observé, à l'aide d'injections, que pendant l'éruption il y a une très grande dilatation des capillaires. Cela est si vrai que les vaccinateurs eux-mêmes, lorsqu'ils interrompent leur théorie, se laissent aller parfois à de singuliers aveux. Ainsi M. Bousquet, une fois, est obligé de décrire la petite vérole, naturellement, dans cette occurrence, il croit devoir la bien regarder, et voici qu'il se met à la suivre en conscience, simple observateur, il oublie un moment le vaccin, et le parti pris des vaccinateurs à l'égard de la variole. En présence de cette germination merveilleuse, son imagination et sa raison surprise, reconnaissent non plus un mal horrible, mais un travail naturel, une sorte de floraison. En effet, dit Monsieur Bousquet, on peut comparer la petite vérole à la végétation des plantes, et cette comparaison ne manquerait pas de justesse. Non seulement la petite vérole née de semences est fournie, avant de s'éteindre, un germe capable de la reproduire, mais tout ce qui favorise la plante, favorise la petite vérole, et réciproquement tout ce qui contrarie la plante, contrarie la petite vérole. Ainsi le choix de la semence, le choix du sol, telles sont les premières conditions d'une belle végétation et d'une belle variole. La seule différence est dans la nature du sol qui reçoit les deux semences. Du reste, la pustule varioleuse, de même que la plante, grandit et prospère au grand jour et à la chaleur, elle languit et s'étiole lorsqu'elle se trouve privée d'air et de lumière. Il n'est pas jusqu'aux moyens employés pour fertiliser le sol qui ne puisse entrer dans le parallèle, seulement l'engrais n'est pas le même. Si j'insiste sur ce rapprochement, ce n'est pas par un vain jeu de l'esprit, c'est que rien ne me paraît plus propre à donner une juste idée de la variole. C'est un aveu sincère et complet. Les faits deviennent clairs, je crois, La nature se livre à un grand travail éliminatoire, elle veut se débarrasser de la lymphe surabondante, et de matières hétérogènes au sang, qui ont été jusqu'alors nécessaires à l'enfance. Du reste, cela était parfaitement compris de tout temps, personne n'ignore la comparaison ingénieuse que nous devons aux Arabes, les héritiers directs et les continuateurs de la science des Grecs. On se rappelle la théorie originale exposée à ce sujet par Azay, le plus célèbre d'entre eux. Le sang des enfants du premier au second âge, dit-il, ressemble à des sucs nouveaux, tels que le moût des raisins, qui n'ont pas encore éprouvé le mouvement de fermentation propre à leur donner une parfaite maturité, ils n'ont pas encore été travaillés. Mais le sang des jeunes gens est semblable à des sucs qui ont déjà fermenté, et qui se sont dépouillés de tout ce qu'ils avaient d'étranger, de toutes les humeurs superflues, comme un vin qui ayant déjà fermenté s'apaise, et reste tranquille parce qu'il est fait. La petite vérole survient lorsque le sang fermente et qu'il se délivre de toutes ses humeurs superflues, ce qui arrive dans le temps qu'il change de nature, qu'il passe d'un état à l'autre, c'est-à-dire lorsque le sang des enfants, qui ressemble au moût des raisins, se convertit en sang des jeunes gens, qui ressemble à un vin en maturité. Ainsi on doit comparer la fermentation de la petite vérole à celle du moût qui fermente et bouillonne pour se convertir en vin. Il arrive rarement que le tempérament des enfants soit tel, qu'il soit possible que ce changement du premier au second état se fasse peu à peu, insensiblement, au point que l'effervescence ne soit pas impétueuse et sensible. Cette admirable comparaison vaut toutes les théories. Un mot la confirme et la complète. L'inoculation que Razay ne connaissait peut-être pas, démontre d'une manière évidente, que l'intromission du virus variolique dans le sang produit le même effet de fermentation, que le levain dans les boissons fermentescibles. Razay insiste beaucoup sur les phénomènes qui se passent dans la poitrine lors de la période d'invasion. Il donne comme signe pathognomonique, la douleur dans le dos et dans les reins, que les malades éprouvent au début de la maladie. Ambroise Paré, le père de la chirurgie française, génie consciencieux et prudent, considérait lui aussi la petite vérole comme une maladie congéniale nécessaire à l'homme. Il en donne une théorie complète, que nous reproduisons tout entière dans sa naïve profondeur. Voici le texte du célèbre chirurgien. Ce sont, dit-il, de petites pustules qui apparaissent à la superficie du cuir, faites de sang impur et autres humeurs vicieuses jetées par la force de la vertu expulsive. Les anciens tiennent qu'elles sont engendrées de quelques restes du sang menstruel duquel l'enfant ayant été nourri au ventre de la mère en retient encore après quelques portions et malignité, laquelle en grand chaud ou saison australe venant à s'exciter et bouillonner avec tout le reste de la masse sanguinaire, s'espand et se montre par l'habitude de tout le corps. Qu'il soit vrai, on voit peu de personnes qui ne l'étudient une fois dans leur vie. La petite vérole s'élève en pustules pointues et blanchissantes, qui contiennent une matière crasse et visqueuse, savoir sanguine et pituiteuse. Cette matière blanchit, puis devient en croûte. Les malades ont fièvre continue avec douleur très grande au dos, prurité démangeaison au nez, aussi douleur et pesanteur de tête avec vertigine, comme si tout tournait, défaillance de cœur, nausée et vomissement. Mal de gorge, la voix enrouée, douleur de poitrine, courte haleine, avec grand battement de cœur, davantage ils ont les yeux flamboyants, lassitude dans tout le corps, urine rouge et trouble, rêverie. Les pustules se forment sur toutes les parties du corps, tant par dehors que par dedans. On voit par la dissection des corps, qui en sont morts que la dite maladie, laisse le plus souvent une merveilleuse intempérature aux parties du dedans comme au foie, à la rate, au larynx, aux poumons, aux intestins dans lesquels on trouve des ulcérations. Elle laisse principalement au visage des cicatrices, à cause des pustules et ulcères qui passent en là. Superficie du cuiron profond dans la chair. Après avoir parlé du traitement, il ajoute, il faut bien se garder surtout de repousser l'humeur au-dedans, il faut éviter le froid, les laxatifs, la saignée et le dormir profond, parce que telle chose retire les humeurs en dedans, et partant, pourra interrompre le mouvement de la nature, laquelle s'efforce de jeter hors ce maligne humeur, mais au contraire faut suivre nature là partout où elle tend, c'est-à-dire donner issue aux humeurs où elle veut faire sa décharge, par remède qui attire le venin au dehors, particulièrement quand la vertu expulsrice est faillie et le cuir trop dur et resserré, de sorte que l'humeur ne peut être jetée, mais demeure sous le cuir, y faisant petite tubérosité, fièvre typhoïde. Bref, je puis dire que toutes les apostèmes qui arrivent aux enfants ayant eu la petite vérole, de laquelle ils n'auront pas été purgés, à suffisance pour la décharge de nature tiennent de la malignité et vénalité de l'humeur qui fait les dites maladies, et partant, sont fort malaisés à guérir, et pour le dire en un mot la petite vérole, n'estant pas bien purgée cause divers et fâcheux accidents. Point. Faut-il commenter l'exposé si complet, si minutieux et pourtant si précis de l'homme éminent que nous venons de citer, pour faire ressortir de quelle façon absolue et sans appel, non pas imaginant une théorie, mais s'appuyant sur l'expérience, il condamne jusque dans les moindres détails et le but et le principe, et jusqu'aux moindres expériences des vaccinateurs? Comparons maintenant la sagesse de ses conseils aux procédés contraires tentés, il y a quelques années à l'hôpital de la Pitié. Pour rendre l'affection moins violente, on avait fait placer les lits des sujets atteints de petite vérole dans une salle basse, humide, espèce de cave privée d'air et de lumière. De cette façon, on faisait cesser le développement des pustules, et on arrêtait le travail de la suppuration. Tous les malades qui succombaient dans ces conditions présentaient une énorme tuméfaction de la face et du cou. Tous présentaient les caractères évidents d'une encéphalite aiguë, et l'ouverture du corps en montrait tous les signes anatomiques, injection du cerveau, fausse membrane, épanchement de pus et de sérosité, etc. Il cite les anciens qu'il connaissait, qu'il avait étudiés sérieusement, qu'il considérait comme des maîtres sûrs, car au temps des anciens on n'en était point encore aux divagations, aux théories, aux rêves, aux paradoxes brillants ou lucratifs. Quand on s'égarait, on était bien certain de ne pas s'égarer loin, car on se contentait alors de recueillir des faits et des observations, et de les grouper. Mais grâce à cette lenteur prudente et consciencieuse, tout parfait, en avant était un progrès. Aussi les découvertes, les observations, les dogmes des anciens resteront éternellement les bases inébranlables de l'art de guérir. Il cite donc Hippocrate et Galien, et d'après leur expérience, ajoutée à la sienne propre, il ne fait pas doute sur le caractère évidemment congénial de la maladie. Nous n'avons pas besoin de suivre de siècle en siècle la théorie de la variole, qui pendant une longue période resta incontestée. D'Ambroise Paré nous passerons au XVIIe siècle, à Sydenham, dont les succès et surtout la savante méthode ont fait époque dans l'histoire de la médecine. Il ne cessa de ramener les esprits à l'observation de la nature, à l'expérience, à la recherche sérieuse des causes. On l'a surnommé l'Hippocrate anglais. Son livre est encore aujourd'hui le meilleur qui ait été fait sur la variole. Il est curieux de montrer à quel point il approche déjà, dans cette question d'une découverte bien importante, qu'il semble avoir entrevue. Il expose sa thèse avec une rare franchise et une excessive bonne foi. Voici le texte même. « En quoi consiste la petite vérole ? » dit-il, « j'avoue que je n'en sais rien, et je ne crois pas que personne soit plus instruit que moi sur cela. Il me semble néanmoins qu'en examinant avec soin les symptômes, on peut juger qu'elle consiste essentiellement dans une inflammation du sang et des autres humeurs, une inflammation différente des autres inflammations, et que la nature cherche à dissiper en digérant et atténuant pendant les deux ou trois premiers jours les particules enflammées, ensuite en les poussant à la superficie du corps pour y former une infinité de petits abcès, au moyen desquels elle s'en débarrasse entièrement. » Et plus bas il ajoute, « la matière virulente qui produit cette maladie semble être, en effet, d'une nature acré-inflammatoire, d'où provient la douleur, la chaleur, la rougeur, l'enflure, l'érosion et l'ulcération, et aussi d'une autre nature caustique et putréfactive, en conséquence de quoi elle détruit, par son mouvement intestin et subtil, le tissu et l'union des parties et les corrompt. » On voit avec quel soin, avec quelle perspicacité Sydenham avait observé la crise de la variole, un pas de plus, et il reconnaissait la nature précise de la matière variolique, il avait reconnu le principe, presque la marge du travail d'élimination, les caractères généraux de la matière expulsée, un pas de plus, et il reconnaissait la nature précise de la matière variolique à son point de départ. Un trait de plus et Sydenham nous préservait de gêner. Il sauvait aux générations actuelles 60 ans au moins de dégénérescence, et de la plus triste mortalité. La découverte de gêner, bien loin d'infester le monde, ne soulevait même pas une discussion, en supposant toutefois que Jenner pût dès alors tenter de faire de la vaccine une découverte pratique. Toujours est-il facile de voir que, dès lors, le caractère spécial de la petite vérole était avéré. À toutes les périodes de l'histoire de la médecine, tous les hommes de génie, tous les esprits éminents se sont prononcés sur ce point de la manière la plus formelle, la petite vérole est une crise inévitable, une dépuration naturelle de l'organisme. Du moins cela était ainsi depuis les temps, les plus reculés jusqu'à la fin du siècle dernier, mais les vaccinateurs ont changé tout cela, et ils ont expliqué la petite vérole d'une façon toute nouvelle. Nous y reviendrons. Pour le moment, établissons bien ceci, de tout temps, pour les plus savants adeptes de l'art de guérir, en quelque sorte, pour tous les médecins jusqu'au jour où un intérêt spécial fut l'origine d'une opinion nouvelle, de tout temps, il a été admis que la constitution de l'enfant renferme une certaine quantité d'humeur, de matière hétérogène, une surabondance de lymphe qui, à un moment donné, ne doivent plus séjourner dans l'économie, de tout temps, il a été admis qu'à ce moment la nature, sauf de rares exceptions, trouve toujours, soit dans une cause externe, soit dans une certaine exaspération de l'organisme, la force d'expulser au dehors cette matière, qui est devenu un embarras. De tout temps, jusqu'à l'époque du vaccin, tous ont été d'accord sur le caractère et la nécessité de cette crise. En effet, suivez cette puissante fermentation de tous les organes, dans chacun s'opère un travail particulier analogue au grand mouvement de toute l'économie, voyez comme tous les organes sont rouges, tuméfiés, en travail, ce ne sont pas les caractères d'une inflammation, si c'est un état pathologique, il n'a point d'analogue, c'est un état sui generis, c'est une crise toute spéciale. Le moment d'une vie organique nouvelle est venu. Chaque organe se hâte de se débarrasser, par des efforts fébriles, de toute la matière qui n'est plus nécessaire à son développement et à sa vie, enfin détache laborieusement de son être tous les détritus particuliers de la première période, que la fermentation générale emporte vers la peau. Chacun de ces faits sont prouvés, sont constatés par les autopsies, nous nous contenterons, pour le moment, de citer de préférence à toutes autres, celles qui ont été faites par M. Bousquet, car il doit faire foi, en sa qualité de vaccinateur assermenté de l'Académie de médecine. L'autopsie montre, disons-nous, la plupart des organes de l'intérieur dans un état visible de congestion, tels, entre autres, le cerveau et ses membranes, les poumons, le foie, les reins, la rate, les intestins, etc. Remarquons-le bien, le fait est unique, l'autopsie des varioleux donne seule de pareils résultats, dans tous les cas on trouve un organe lésé, jamais une congestion générale de tous les organes, ici, au contraire, pas une lésion organique, mais seulement les traces toutes particulières de la grande fermentation que nous avons décrite. Hâtons-nous de reconnaître avec M. Bousquet, que sur aucun point l'organisme ne présente les caractères d'une inflammation, dans la variole, le sang est diflux, séreux, et semble avoir perdu toute plasticité, le propre au contraire de l'inflammation est de faire le sang épais, riche en fibrines, facile à se coaguler. En résumé, l'autopsie ne nous apporte aucun symptôme pathologique, et nous y découvrons au contraire, les traces matérielles les plus claires d'un grand travail éliminatoire. En effet, le cadavre des varioleux présente un gonflement notable, on comprend qu'une matière étrangère, est en fermentation dans l'économie, on la voit, elle est envoyée de l'intérieur, et arrive parfois jusqu'à sous la peau, la mort vient à peine d'arrêter la fermentation du sang au moment où elle poussait définitivement cette matière au dehors. Le cadavre du varioleux, dit M. Bousquet, paraît comme soufflé, le gonflement est surtout sensible au visage, au cou, aux mains et aux pieds, et quand on incise ces parties, il sort de ces incisions une sérosité purulente, c'est comme un phlegmon diffus étendu presque à toute la surface du corps. La plupart des organes de l'intérieur sont dans un état visible de congestion, tels, entre autres, le cerveau et ses membranes, les poumons, le foie, la rate, etc. La rate est le plus souvent ramollie à peu près, comme dans la fièvre typhoïde. Rien de plus commun que le développement des follicules intestinaux. Les uns ont pris ce développement pour des pustules varioleuses, les autres ne peuvent pas concevoir des pustules, là où il n'y a pas d'épithélium, mais ce n'est pas ainsi que se décident les questions de fait. Les plaques de Peyer suivent le sort des follicules, isolées, elles sont rouges, saillantes, ramollies. Enfin le sang diflux, séreux, semble avoir perdu toute sa plasticité. À ces signes, dit M. Bousquet, il serait difficile de reconnaître une inflammation. Le propre de l'inflammation, est au contraire de faire un sang épais, riche en fibrines, facile à se coaguler. Il n'y a réellement d'inflammation qu'à la peau, dans les pustules, mais quoique la scène la plus apparente du grand drame, qu'on appelle la petite vérole se passe à l'extérieur, l'action principale part de l'intérieur, et probablement du sang lui-même. Rappelez-vous la génération de cette maladie. L'absorption s'empare du germe, et le porte dans le torrent de la circulation, d'où il réagit sur l'économie suivant les instincts de la nature. On le voit par cette seule description. Monsieur Bousquet est de bonne foi, son observation sur la nature particulière du sang pendant la petite vérole est parfaitement exacte. Il reconnaît donc comme nous les phénomènes caractéristiques d'un grand travail de nature. Et pourtant il vaccine. Il les reconnaît si bien que plus loin en parlant de la varicelle, il dit « De même que nous avons tout la petite vérole une fois dans la vie, nous avons aussi la varicelle, etc. » Que penser, il fait cet aveu, et avec le plus grand sang-froid, il vaccine et revaccine. Je ne puis m'expliquer cette flagrante contradiction. Et maintenant reprenons. Que sera donc cette sérosité purulente, si ce n'est de toute évidence la matière variolique arrêtée dans sa marche? Multipliez les autopsies, prenez les varioleux à tous les degrés de la maladie, et vous suivrez pas à pas la matière variolique, vous découvrirez pour ainsi dire une à une, selon la période plus ou moins avancée de la petite vérole, vous découvrirez par couche toutes les phases de la fonction éliminatoire. Il nous reste à dire exactement quel est le caractère de cette matière variolique, que nous avons montré aux prises avec l'organisme tout entier. Cette matière, c'est la lymphocyte qui présente exactement tous les caractères physiques et chimiques reconnus à la matière strumeuse, à la matière cancéreuse et à la matière tuberculeuse. Ces trois matières ont une origine unique et une seule voie d'élimination. Si l'élimination se fait complètement, si la variole se développe régulièrement, le sang en fermentation dissout, pendant la fièvre d'invasion, la matière tuberculeuse la lance dans le torrent de la circulation et la porte à la peau, là elle se solidifie de nouveau, se concrète naturellement, constitue les pustules, reprend ainsi la forme, les caractères de la matière tuberculeuse, la nature des tubercules, puis dégénère. Dans cette dégénérescence, son action chimique est exactement identique à l'action de la matière tuberculeuse, c'est-à-dire qu'elle corrode la peau, comme elle aurait rongé et corrodé les organes internes, qu'elle aurait pris pour siège de sa floraison contre nature, puis elle se dessèche et tombe, laissant parfois quelques traces, regrettables sans doute, mais inoffensives. La petite vérole est donc, comme nous l'avons dit et comme il est facile d'en juger, la seule voie que la nature nous ait donnée pour expulser ces matières caustiques, désignées par la science sous le nom de matière tuberculeuse, scrofuleuse, cancéreuse, etc., c'est-à-dire cette matière hétérogène qui, portée à l'extérieur, n'entraîne qu'un danger restreint, et qui, en se développant à l'intérieur, laisse peu de chances de salut. Nous confirmerons plus loin par des observations, cette théorie si simple au raisonnement, et de ces observations ressortira incontestable, le procédé thérapeutique d'une si haute importance, que cette théorie nous enseigne.